dira. C'est Alphonse Coupe Guimane qui assure la mise en onde. Vous voudrez bien nous excuser pour les 2 minutes de retard. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée dans Voici d'abord les grands titres. C'est ce vendredi que les enseignants ont passé le TC de niveau initié par le ministère de l'Éducation. Environ 42 000 candidats qui ont passé le test au niveau national à Mukaza. Ils ont expliqué à nos reporters qu'il fallait juste exécuter la décision de l'État. Et à Ngozi, le quartier Gabiro et Kigobe sont privés d'électricité depuis 2 semaines. C'est suite à la panne d'un transformateur, selon les explications de la régie des eaux. Et à Makamba, les familles déplacées suite aux inondations survenues depuis l'an 2021 et au début de cette année restent toujours sans abri en commune Nyanzala. Que voilà pour l'essentiel. Oh bonjour, éducation pour débuter cette édition. Remise de dons ce vendredi de son bon pupitre à l'école fondamentale de Mouhene, en commune Butaganzwa, en province de Luyigi, par l'association sportive pour la valorisation des aptitudes des vulnérables à Sevava, en sigle fondée par l'athlète internationale Francine Ndiyo Saba. Les responsables scolaires et administratifs en commune Butaganzwa ont remercié l'association et demande à d'autres natifs et associations à emboîter le pas d'ASVAV. Fidèle d'Antoine Sabimana. Clément Nezaorigua, coordonnateur des projets dans l'association sportive pour la valorisation des aptitudes des vulnérables ASVAV en sigle, précise que l'idée d'appuyer les écoles en bas pupitre cadre avec leur mission et vient pour appuyer les efforts du gouvernement dans le domaine de l'enseignement. On a vu que l'école, l'école de Mouhene, a peu de pupitres par rapport aux enfants qui sont scolarisés à cette école. Raison pour laquelle on a choisi cette école pour appuyer. Donc on a donné 100 bancs pupitres. Vous avez vu aussi que c'est largement suffisant pour cette école. Pour Onésime Ngendandoumé, directeur communal de l'enseignement en commune Butaganzwa, ce don vient au point nommé car certains enfants s'asseyaient par terre et d'autres sur les planches rangées à terre. Onésime Ngendandoumé a dit que cette aide va aider dans l'augmentation du rendement, que ce soit du côté de l'enseignant et du côté de l'apprenant, car l'apprenant prendra ses notes étant à l'aise, ce qui facilitera l'enseignant à avancer dans son programme. Rémi Ndaroufatié, administrateur de la commune Butaganzwa, lui a profité cette occasion pour lancer un appel à d'autres natifs et associations d'emboîter le pas d'ASVAV, car même beaucoup d'autres écoles connaissent un manque criant des bancs pupitres. L'école fondamentale de Mouhene a 460 élèves et si les pupitres qui existaient sont réparés, 3 élèves pourront partager un seul banc pupitre. Fidèle d'Antoine et Saïman a toujours en page éducation passation son vendredi du test et de recyclage pour les enseignants sur tout le territoire national. Au niveau de la commune Ombendo Mukaza, mairie de Bujumbura, 317 enseignants ont passé ce test, mais certains disent passer cet examen pour respecter la décision de l'État. Le responsable du centre de passation de Stella Matutina, regroupant tous les candidats de Mukaza, parle de 8 absents pour diverses raisons. Le reportage de Jean-Marie Mayonga n'est pas disponible, mais le ministre de l'Éducation parle d'environ 42 candidats à cet examen de recyclage lors du lancement de ce test à l'école fondamentale de Gasegni. Le ministre de l'Éducation, François Habyarimana, a tranquillisé les enseignants que personne ne sera licencié juste parce qu'il a eu une note médiocre. Suivez. C'est un sentiment de satisfaction parce que nous venons d'enregistrer plus de 42 000 enseignants qui se sont présentés pour passer le test à travers tout le pays. C'est donc à résumer un sentiment de satisfaction parce qu'au début, quand on avait annoncé l'organisation de ce test d'évaluation des compétences, la plupart des enseignants n'avaient pas compris, mais aussi il y a certaines personnes qui avaient lancé des messages qui faisait peur aux enseignants, des messages selon lesquels celui qui allait échouer allait être renvoyé de la fonction publique. Donc je trouve l'occasion de déclarer officiellement que les notes qui vont être obtenues ne vont pas être communiquées ni aux candidats ni au public, mais aussi que celui qui va obtenir une note, je dirais quelle que soit la note obtenue, ne va pas être renvoyé de la fonction publique. C'est donc aussi un message de tranquillisation des enseignants que l'objectif tout simplement de ce test et d'évaluation des compétences, c'est d'améliorer les compétences des enseignants afin d'améliorer par conséquent les compétences de nos élèves et de nos futurs étudiants. Nous avons prévu le test en mathématiques et en français parce que ce sont des cours, je dirais, principaux qui, lorsqu'ils sont enseignés, les autres disciplines vont facilement être maîtrisées. Pour les enseignants qui, dans peu de jours, vont être admis à la retraite, pour ces enseignants, ça ne pose aucun problème parce que ce sont des enseignants qui, je suppose, bien expérimentés, qui, dans ce test d'évaluation des compétences, vont avoir des notes suffisantes qui leur permettront de ne pas suivre cette formation. Et s'il s'avère que certains d'entre eux ont des notes, je dirais, très minimes pour ne pas être dispensés de cette formation, ces enseignants-là, ils vont évidemment suivre cette formation parce qu'il y a un temps qui leur reste. Il faut qu'ils enseignent tout en ayant des compétences suffisantes pour que nos élèves, pour que nos futurs étudiants puissent avoir un bagage aussi suffisant. Et là, on me montre que l'élément de Jean-Marie Mayonga est prêt maintenant au niveau de la commune urbaine de Mukaza, mairie de Bujumbura. 317 enseignants passés ce test, mais certains disent passer cet examen juste pour respecter la décision de l'État. Le responsable du centre de passation de Stella Matutina regroupant tous les candidats de Mukaza parle de 8 absents pour diverses raisons. Reportage donc de Jean-Marie Mayonga. Inawaganza Elisabeth, 222. Kavanyana Consolat, 223. Tels sont les noms des enseignants des écoles fondamentales de la commune Mukaza qui se sont présentés ce vendredi au centre de l'école fondamentale Stella Matutina pour passer le test de niveau. À 8h du matin, les responsables chargés du passation de ce test commencent à appeler les noms et précisant le numéro de chaque candidat. Des personnes partagent en bas et dans leurs mains, elles avaient un stylo et une latte. À 9h15, le test proprement dit a débuté. Et les responsables du centre ont commencé à expliquer les modalités pour la bonne marche du passation de ce test, comme éteindre leur téléphone mobile et les mettre à l'écart. Certains enseignants disent qu'ils ont respecté l'ordre car c'est un programme de l'État, mais auparavant, ils considéraient l'examen comme quelque chose qui vient les minimiser, mais que par après, ils ont vu que c'est nécessaire. Nous sommes contentes. C'est un programme du gouvernement. Nous avons été informés. C'est vraiment nécessaire. C'est un programme de l'État. Nous voulons bien passer cet examen et que le programme souhaité continue. Il n'y a pas de panique, tout simplement. Avant, nous croyions que cela venait nous minimiser. Ce test de niveau qui s'est passé au niveau national ce vendredi est composé des épreuves, à savoir le français et le mathématique, et va passer pour un seul jour. Jean-Marie Mayonga, après une courte pause, parlons humanitaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Parlons humanitaire à présent en province Makamba, où se trouve notre correspondant Élisée Kwizera. Des familles déplacées suite aux inondations survenues depuis l'an 2021 et au début de cette année en cours dans les collines proches du lac Tanganyika, en commune Nyanzalak de la province Makamba, restent sans abri. Selon la population et les administratifs, et ceux qui disposent des moyens financiers se sont achetés des parcelles ailleurs ou ont loué des logements au moment où il y en a d'autres qui sont hébergés par leurs voisins. L'administrateur communal de Nyanzalak a fait savoir que certaines associations avaient souhaité intervenir, mais se sont heurtés au manque de terre. Élisée Kwizera depuis Makamba. Suite aux inondations du lac Tanganyika, qui ont surtout touché les collines et l'environnement, à l'instar de Gasaba, Mugirama, Mvugo, pour n'être que cela en commune Nyanzalake de la province Makamba, certains déplacés, victimes de ces dites inondations, disent que leur temps de vie a régressé, du fait qu'ils se sont déménagés. Selon les habitants de ces collines et les administratifs, ceux qui se sont financièrement capables se sont achetés des parcelles ailleurs, et une autre partie, c'est loin des logements, au moment où d'autres sont hébergés par leurs voisins. Ceux qui y sont restés révèlent qu'ils ne sont pas également stables, de peur que leur maison puisse être emportée par les ondes du lac d'un moment à l'autre au cas où la pluie continuerait à tomber en abondance. Cependant, ils saluent l'assistance déjà reçue de la part de l'Organisation internationale pour les migrations via la Croix-Rouge et demandent à l'État et aux autres associations à continuer de les appuyer. L'administrateur communal quant à elle, fait savoir que la commune connaît un manque criant de terres propres à l'État au moment où certaines associations avaient voulu intervenir, mais que certaines abris d'urgence ont été établis en faveur de ceux qui ont pu avoir des parcelles dans les lieux non menacés par ces inondations. Élisée Kwizera depuis Makamba, Radio Isanganiro. Merci. Élisée Kwizera, par justice à présent, les femmes détenues dans la prison centrale de Luigi sont appelées au bon comportement pour être parmi les bénéficiaires de la grâce présidentielle. C'est l'appel de la vice-présidente de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme ce jeudi lors de sa visite dans cette maison pénitentiaire pour se joindre à ces femmes dans le cadre du mois dédié à la femme. Le directeur de cette prison a indiqué qu'il y a 68 femmes, dont 7 avec des nourrissons. Arthur Kavabushi. C'est dans la prison de la province Ruyigi, cellule des femmes, où il y a celles qui purgent leur peine et d'autres dont les dossiers sont pendants en justice, comme l'a indiqué le directeur de cette maison de détention. Je voudrais dire que ces femmes sont en deux groupes. Il y en a 36 qui purgent leur peine et 32 dont les dossiers sont pendants en justice. Au total, il y en a 68, dont celles qui sont avec leurs enfants, 3 garçons et 4 filles. La vice-présidente de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, Consolata Habimana, leur a demandé de respecter la loi, même en prison. Ceux qui obtiennent la grâce présidentielle sont ceux qui se sont bien comportés. C'est le rôle de vos responsables qui sont chargés de vous suivre de près. Nous vous demandons, vous les mamans, de bien vous comporter pour être graciés. Elle leur a interpellé de bien se comporter une fois libérés pour ne pas retourner en prison. Nous vous interpellons que même dans ces durs moments, il faut avoir un comportement décent et qu'une fois libéré, de ne plus retourner ici. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme leur a donné des pagnes, savon, seau, sucre et bouillie dans le cadre de la célébration du mois de la femme. Depuis Luigi, Arthur Kavabushi, Radio Sanganiro. Arthur Kavawoshi, une femme originaire de la colline Gitwenge en commune Gatala de la province Kayanza et dans la main de la police judiciaire à Gatala depuis ce jeudi. Les informations sur place qui sont confirmées par Sylvane Gakuyano, administratrice à Gatala, indiquent que cette femme a mis au monde un enfant la nuit de mercredi et l'a étranglé par après. Cette autorité communale à Gatala appelle la population qu'elle dirige à renoncer au vagabondage sexuel qui fait qu'il y ait des grossesses non désirées, des enfants naturels. Ngozi, à présent non loin d'Okayanza, grogne des habitants des quartiers Gabiro et Kigobe du chef-lieu de la province Ngozi à cause du manque de courant électrique, et cela depuis plus de 2 semaines. Il parle d'énormes pertes, particulièrement pour ceux qui exercent des activités nécessitant de l'électricité. La régie des eaux parle d'un transformateur en panne, mais ne donne pas de délai pour remédier à ce problème. Apollinaire Mounzakara. Ces habitants des quartiers Gabiro et Kigobe indiquent qu'ils viennent de passer 7 jours sans électricité. Leurs maisons et voies publiques ne sont pas éclairées. Ils disent éprouver d'énormes difficultés car certaines activités nécessitant le courant électrique ont été arrêtées. C'est le cas des salons de coiffure, des imprimeries, soudures, menuiseries, des bistrots qui ferment les portes car leurs clients migrent vers d'autres quartiers éclairés, sans oublier les élèves qui ne révisent pas la matière vue la journée, alors qu'ils font ces jours-ci beaucoup d'interros à ce moment où le deuxième trimestre touche à sa fin et autres. La population de ces quartiers parle aussi d'insécurité causée par l'obscurité. Des bandits ne cessent de chiffrer certains objets aux passants, profitant de cette obscurité. Ils demandent donc à la régie des eaux de trouver une solution à ce problème le plus tôt possible. Interrogés à ce sujet, certains employés de cette société disent être au courant de cette situation. Ils parlent d'un transformateur en panne et affirment que les démarches sont déjà en cours pour son remplacement, même s'ils ne donnent pas de délai. Et enfin, musique. L'association amicale des musiciens du Burundi a bien accueilli la décision du ministre de l'Intérieur, leur permettant de reprendre les karaokés Bright Olivier Ndayishimiye. Représentant légal de la dite association dit que beaucoup de musiciens vivaient jusqu'ici dans la pauvreté. Il exhorte les musiciens de respecter le temps exigé et demande aussi au ministre de l'Intérieur d'autoriser également les karaokés les dimanches. Suivez-le, il est au micro de Jean-Marie Vianney-Nakuman. Nous avons accueilli cette mesure très bien parce que c'est une mesure qui va permettre aux artistes et musiciens du Burundi de pouvoir retravailler dans les karaokés, justement pour pouvoir avoir de l'argent parce que c'est leur métier de tous les jours. Et nous avons accueilli cette mesure avec bon goût. Et quelle sera la valeur ajoutée de cette mesure? La valeur ajoutée de cette mesure, c'est que les artistes qui faisaient des karaokés, maintenant ils vont avoir de quoi faire, ils vont avoir du travail, ils vont avoir des rémunérations qui vont leur aider dans la vie de tous les jours. C'est une bonne chose pour nous les artistes. Et qu'est-ce que vous demandez? Nous demandons que le ministère puisse ajouter au moins les dimanches pour qu'on puisse bien sûr augmenter nos revenus et aussi que même les concerts qui sont organisés ici et là puissent aussi se réaliser. Et quel appel a-t-on aux musiciens? Nous appelons aux musiciens de respecter les mesures où on nous a donné que deux jours, ça veut dire le vendredi et le samedi, et également respecter les heures qu'on nous a fixées pour qu'on puisse ne pas être dans les règles. Et quel appel également à ces spectateurs qui viennent assister à ces karaokés? Aux spectateurs qui viennent assister au karaoké, je leur lance l'appel de continuer les mesures barrières contre le coronavirus pour qu'ils ne puissent pas encore augmenter parce que ça ne serait pas une bonne chose pour nous. Donc je leur rappelle de toujours se laver les mains avec du savon comme c'est recommandé. Et bien voilà, c'est par cette actualité musicale que nous mettons point final à cette édition de la mi-journée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Kugimana qui l'a mise en onde. Excellent après-midi à tous, au revoir. Issa.